Amen. Amen. So again, now, what is the most important question here? Alors encore, maintenant, quelle est la question la plus importante ici? The question then becomes. Alors la question devient. If that war took place today. Si cette guerre prend place aujourd'hui. Then when will the rapture take place? Alors quand est-ce que l'enlèvement va prendre place? Again. Encore. The most important question right now. La question la plus importante juste maintenant. Is whether this war. C'est ou bien cette guerre. Is pre-rapture or post-rapture? Et avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Because a lot of people have posted in the web. Parce que beaucoup de gens ont dit dans le web. And they said, "Oh, look, the man of God said." Et ils ont dit, oh regarde, l'homme de Dieu a dit. That the Israel-Iran war. Que la guerre entre Israël et l'Iran. Is post-rapture. Est après l'enlèvement. Nobody can say such a thing. Personne peut dire une telle chose. I remember too well. Je me souviens trop bien. That in that meeting that I'm being quoted as having said so. Que dans ce rassemblement où j'ai été cité comme ayant dit cela. The Lord had shown me the Israeli aircrafts leaving to go strike Iran in that mighty dream. Le Seigneur m'a montré les Israéliens allant frapper l'Iran dans ce grand rêve. In that dream. Dans ce rêve. And that's why I called for that urgent meeting that Sunday morning. Et c'est pourquoi j'ai appelé pour ce rassemblement urgent ce samedi matin. And I said. Et j'ai dit. That nobody knows the day or the hour. Que personne ne sait le jour ou l'heure. And so. Et alors. Let no man or woman. Qu'aucun homme ou femme, que personne. Say that look. I am still waiting for the prophecy of the Israel-Iran war. Regarde, je suis encore en train d'attendre pour que la prophétie de la guerre entre Israël et Iran. Because it will happen first before the rapture. Parce que ça va d'abord arriver avant l'enlèvement. That would have been a tragedy. Ça, ce serait une tragédie. When I saw it written in the web. Quand je l'ai vu écrit sur le web. That the man of God says Israel-Iran war is post-rapture. Que l'homme de Dieu a dit que Israël-Iran est après l'enlèvement. However outrageous may have been. Combien scandaleux ça peut jamais avoir été. I was happy with that. J'étais content avec ceci. Because that means. Parce que ça signifie. At least people are preparing. À la fin, les gens vont se préparer. For the coming of the Lord. Pour la venue du Seigneur. The worst would have been. Le pire aurait été. When they would have written that Israel-Iran war is pre-rapture. S'ils avaient écrit que la guerre Iran-Israël soit avant l'enlèvement. Nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît le jour ou l'heure. Of the coming of the Messiah. De la venue du Messie. He will come like a thief. Il va venir comme un voleur. But. Mais. What the Lord has displayed here very clearly. Ce que le Seigneur a déployé ici très clairement. Is that this war is related to the coming of the Messiah. C'est que cette guerre est reliée à la venue du Messie. It may be that. When this war takes place sharp like this. Ça peut être que lorsque cette guerre prend place très rapidement comme ceci. Then it takes 3-4 months. Alors ça prend 3 ou 4 mois. Or 1 year. Ou un an. And Israel signs the 7-year deal. Et Israël va signer le traité de 7 ans. After 3 years, 1 year, 3 days, who knows? Après 3 ans, un an, 3 jours, qui sait? So nobody can say that when that war takes place, the rapture happens the same day. Alors personne ne peut dire que quand cette guerre prend place, l'enlèvement va arriver le même jour. Today here. Aujourd'hui ici. As I was playing for you the clips. Comme je jouais pour vous le clips. The reportage on this war. Le reportage de cette guerre. The Lord stole me into a trance. Le Seigneur m'a porté dans une transe. And I saw a lot of Israeli aircraft on the runway. Et j'ai vu beaucoup d'avions israéliens sur la piste. At high speed taking off. Décollant à grande vitesse. And I heard the voice saying. Et j'ai entendu la voix qui disait. Look, this war has broken out. Regardez, cette guerre a éclaté. And there is a follow-up vision most recently. Et il y a une vision qui a suivi très récemment. When the Lord again showed me the aircrafts. Quand le Seigneur m'a encore montré les avions. And by voice he said. Et par la voix, il m'a dit. Look, the war has broken out. Regarde. La guerre a éclaté. The war has broken out. La guerre a éclaté. So this war is related to the coming of the Messiah. Alors cette guerre est en relation avec la venue du Messie. While nobody may know the day or the hour. Où personne ne sait ni le jour ni l'heure. The rapture could happen right before the war. L'enlèvement peut arriver juste avant la guerre. Such that when the war takes place, then they announce one peace deal right away there and then. De telle sorte que lorsque la guerre a lieu, ils annoncent un accord de paix tout de suite là et ensuite. Or, ou the rapture could happen after this war. L'enlèvement peut avoir lieu après cette guerre. But the most important thing. Mais la chose la plus importante. The most important message that today's news. Le message le plus important des nouvelles d'aujourd'hui. Screams out to the church. Crie à l'église. Is that time is over. C'est que le temps est passé. I am reading a newspaper here called Haaretz. Je suis en train de lire un journal appelé Haaretz. Of March 2nd. Du 2 mars. And this is the title of this Israeli newspaper. Et c'est le titre du journal d'Israël. Hezbollah. L'Hezbollah. Full colon. Israeli attack on Iran would set Middle East ablaze. L'attaque israélienne contre l'Iran enflammerait le Moyen-Orient. Deputy Secretary General of Hezbollah. Un député secrétaire général de l'Hezbollah says Israel unaware of the scale of consequences. Israël ignore l'ampleur des conséquences. From a strike on Iran. D'une attaque en Iran. Stresses the Hezbollah fighters. Souligne les combattants du Hezbollah. Are now better equipped to retaliate against Israel than they were in 2006. Sont maintenant mieux équipés pour exercer des représailles contre Israël qu'elles ne l'étaient en 2006. I want to read for you another title. Je désire lire pour vous un autre titre. On this crisis. Sur cette crise. It says again, this is the 24th of February. Il dit encore, c'est le 26 février. It is Inet News. It's an Israeli news. C'est Inet News. Ce sont des nouvelles israéliennes. And he says in the title. Et il dit dans le titre. Iran ready to wipe Israel off the map. Iran prêt à rayer Israël de la carte. And he says. Et il dit. Tehran's deputy defense minister. Le député du ministère de la défense à Téhéran. Warns Jerusalem against strike. Avertit Jérusalem contre une attaque. On Iran's nuclear facilities. Sur les installations nucléaires iraniennes. And says. Et dit. Any action by Zionist regime. Toute action par le régime sioniste will bring about its destruction. Va apporter sa destruction. And so you see very clearly that he is talking about wiping Israel off the map. Alors, vous voyez très clairement qu'il parle à propos de rayer Israël de la carte. Another report on the March 2nd by Haaretz. Un autre rapport du 2 mars par Haaretz. US bolsters defenses in Gulf. Le renfort de défense américaine dans le Golfe. Amid Iran tension. Au milieu des tensions iraniennes. And it says, Wall Street Journal reports that US military. Le journal de Wall Street reporte que les militaires américains. Is positioning new equipment. Ont placé un nouvel équipement. And expanding surveillance. Et une expansion de la surveillance. In the strategic strait of Hormuz region. Dans la place stratégique de la région d'Hormuz. That is where most of the oil that serves the world passes through. C'est où passe la plus grande partie de l'huile qui sert le monde. And Iran promised to shut it down. Et l'Iran a promis de le fermer. Another article from Haaretz, March 2nd. Un autre article de Haaretz, le 2 mars. And he says. Et il dit. The headline. Le gros titre. Iran's defense minister. Le ministère de la défense en Iran. Says. Dit. Attack will lead to Israel's collapse. Une attaque va amener Israël à la chute. Another newspaper. Un autre journal. He says, Israel won't warn US before Iran strike. Israël ne désire pas avertir les États-Unis avant d'attaquer l'Iran. Another one. Un autre. He says, Obama says. Il dit, Obama dit, I am not bluffing on Iran. Je ne bluffe pas sur l'Iran. American president tells Atlantic magazine. Le président américain dit à l'Atlantic magazine. That when the US says it is unacceptable. Que lorsque les États-Unis disent c'est inacceptable. For Iran to have a nuclear weapon. Pour l'Iran d'avoir un bouclier nucléaire. We mean it. Nous le pensons. And then another one here, this is a CNN reportage. Et un autre, c'est un reportage de la CNN. It says officials say. Dit, les officiels disent. Netanyahu to head to United States next month. Netanyahu va aller aux États-Unis le mois suivant. This was February. C'est en février. And we know that the trip is coming amidst tension. Que le voyage a lieu au milieu des tensions. Mounting tension between Israel and Iran. Une tension croissante entre Israël et l'Iran. Speculation is swelling in Washington. La spéculation est tourbillonnante à Washington. Whether Israel may preemptively bomb Iran. Quand Israël peut préventivement bombarder l'Iran. And again another paper, the Daily Star. Et encore un autre journal, le Daily Star. And many others. Et beaucoup d'autres. But I want to summarize one thing here. Mais j'aimerais résumer une chose ici. Again. Encore. This war that is coming to take place between Israel and Iran. Cette guerre qui va avoir lieu entre Israël et l'Iran. Nobody can know whether it's pre-rapture or post-rapture. Personne ne peut savoir si c'est avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. But one thing that we are sure about. Mais une chose dont on est sûr. Is that when the tribulation and the great tribulation takes place. C'est que lorsque la tribulation et la grande tribulation prendront place. At the end of that 7 years. À la fin de ces 7 ans. Of false peace treaty. D'un traité de fausse paix. Christ will return. Christ va revenir. To do the final war of Armageddon. Pour faire la guerre finale d'Armageddon. That is what Revelation chapter 19 was celebrating. C'est ce que célèbre Apocalypse chapitre 19. From verse 11 to 21. Du verset 11 à 21. Immediately the Lord defeats the enemies of God. Immédiatement le Seigneur fait échouer les ennemis de Dieu. Then he will establish 1,000 years of peace and righteousness. Et ensuite, il va établir 1,000 ans de paix et de justice. And during the 1,000 years, et pendant ces 1,000 ans, the devil is bound. Le diable est lié. Totally bound in the abyss. Et Satan est complètement lié et dans l'abîme. And then after the 1,000 years, et après les 1,000 ans, the devil is again released. Le diable est de nouveau relâché. But if you look very carefully again, still on the book of Revelation. Mais si vous regardez attentivement, encore dans le livre de l'Apocalypse, chapter 19. Le chapitre 19. He's talking about the rapture of the church. Il parle à propos de l'enlèvement de l'église. From verse 6 all the way to verse 10. Du verset 6 tout au long jusqu'au verset 10. Verse 11 to 21. Les versets 11 à 21. He talks about the war of Armageddon. Il parle à propos de la guerre d'Armageddon. But when you go now to verse 20, mais quand vous allez maintenant au verset 20, he talks about the millennium of peace. Il parle à propos du millénium de paix. This is the millennium of peace and righteousness. C'est le millénium de paix et de droiture. And then after that, et ensuite, après cela, he talks about the judgment of the dead. Il parle à propos du jugement des morts. The white throne judgment. Le trône blanc du jugement. Chapter 21. Chapitre 21. It then talks about the new Jerusalem. Là, il parle de la nouvelle Jérusalem. And that tells us very clearly. Et ça nous dit très clairement. That after the 1,000 years of reigning with Christ. Que après 1,000 ans de règne avec Christ. As the devil will be released again. Comme le diable va être de nouveau relâché. The church will move with the Lord into the new Jerusalem. L'église va se déplacer avec le Seigneur dans la nouvelle Jérusalem. And she'll take up her place. Elle va prendre sa place. Precious people. Précieux peuple. I want to handle a little bit about Iran and then I'll come back to the war of Armageddon. Je vais prendre en main un petit peu à propos de l'Iran et ensuite je vais parler de la bataille d'Armageddon. Why is Iran perpetrating such rhetoric against Israel? Pourquoi est-ce que l'Iran perpétue-t-il une telle rhétorique envers Israël? I want you to know the following. Je veux dire que vous sachiez ce qui suit. That Iran has been a very important part of biblical prophecy. Que l'Iran a eu une part très importante dans les prophéties bibliques. And Iran in the Bible is known as Persia. Et l'Iran dans la Bible est connu en tant que la Perse. They are called Persians. Ils appellent ça la Perse. And Iran at one point was a very great empire of the world. Et l'Iran, à un point, était un très grand empire dans le monde. Until Iran was conquered by Alexander the Great. Jusqu'à ce que l'Iran soit conquis par Alexandre Ier. The king such as King Cyrus the Great. Le roi tel que le roi Cyrus le Grand. Darius. Ahasuerus. Commonly known as Xerxes. Communément connu en tant que Xerxes. Artaxerxes. Such prominent kings that are found in the Bible. Un roi tellement remarquable qu'on a trouvé dans la Bible. They once ruled the great empire of Iran. Une fois, il a dirigé l'empire d'Iran. But surprisingly. Mais aussi surprenant que ça paraisse. And ironically. Et ironiquement. The book of Esther in the Bible. Le livre d'Esther dans la Bible. Talks about how a Jewish girl. Parle à propos de comment une jeune fille juive. Became the queen of Persia. Est devenue la reine de Perse. And how God used her to save his people, the Jews. Et comment Dieu l'a utilisée pour sauver son peuple, les Juifs. From a plot to wipe them out. D'un complot pour les jeter dehors. The book of Esther also explains of how a special festival called Purim was established. Le livre d'Esther nous dit aussi comment la fête de Purim a été établie. To mark and remember and celebrate. Pour marquer et se souvenir et célébrer. That deliverance. Cette délivrance. Purim is a Hebrew word. Purim est un mot hébreu. Derived from the Persian word pur. Qui est dérivé du mot persan pur. Meaning lot. Signifiant le sort. It recounts and recalls how Haman cast lots to determine the best day to carry out his plot to wipe out the Jews. Ça raconte comment Haman a jeté un sort pour déterminer le meilleur jour pour mettre à profit son complot pour expulser les Juifs. It can be well said today. Peut être bien dit aujourd'hui. That the current leaders of Iran. Que les leaders courants en Iran. Are still operating. Sont encore en train de fonctionner. In the spirit of Haman. Dans l'esprit de Haman. Because of such articles. À cause de tels articles. That say. Qui dit. That Iran ready to wipe Israel off the map. Que l'Iran est prêt à anéantir Israël de la carte. When at that time Haman's plan was also to wipe Israel out of the map, to wipe the Jews out of the map. Et quand du temps d'Aman, il était aussi prêt à anéantir les Juifs, les rayer de la carte. So Persia has always been a very, very important part of Bible prophecy. Alors aussi, la Perse a été une très, très importante partie des prophéties bibliques. And Daniel, in his visions. Et Daniel, dans ses visions. Daniel saw the vision of the ram and the goat. Daniel a vu la vision de ram et de goat. And in that vision, Daniel saw himself in a city called Shushan. Et dans cette vision, Daniel s'est vu lui-même dans une cité appelée Shushan. In other words, Susa. En d'autres mots, Suse. In Persian. en Perse. And that city. Et cette cité. Was the capital city of Persia. Était la capitale de la Perse. So Iran has been very significant. Alors, Iran a eu beaucoup de signification. And one time the Lord showed me a vision about Elam. Alors une fois le Seigneur m'a montré une vision à propos d'Elam. And in that vision the voice said. Et dans cette vision la voix a dit. Elam. Elam. And I saw a lot of Jews leaving Iran. Et j'ai vu beaucoup de Juifs quitter l'Iran. And returning to Israel. Et retourner en Israël. For your own information. Pour votre propre information. There are lots of Jews living in Iran right now. Il y a beaucoup de Juifs qui vivent en Iran juste maintenant. At this point in time. À ce point du temps. Even Ezekiel. Même Ezekiel. He saw the vision of the Lord. Il a vu la vision du Seigneur. And in Ezekiel 38. Et dans Ézéchiel 38. He describes the events of this last day. Il décrit les événements de ces derniers temps. And he describes nations that will confederate, that will combine together. Et il décrit des nations qui veulent se confédérer, qui veulent s'unir ensemble. For the purposes of destroying Israel. Dans le dessein de détruire Israël. And that list contains Iran. Et dans cette liste, il y a l'Iran. And it talks about that time as being the time when Israel will be isolated. Et il parle à propos de ce temps, le temps où Israël va être isolé. Precious people. Précieux peuple. Iran. L'Iran. Has been part of the Bible. A fait partie de la Bible. And now we see very clearly. Et maintenant nous voyons très clairement. That there is going to be a role again. Qu'il va de nouveau avoir un rôle. However. Comment? Who is involved in this Gog-Magog war? Qui est impliqué dans cette guerre de Gog et Magog? Of Ezekiel 38. D'Ezekiel 38. And 39. Et 39. It's very clear now. C'est très clair maintenant. That in the listings. Que dans la liste. Russia is leading that alliance. La Russie dirige cette alliance. And then all the other states that Russia sponsors are part of it. Et ensuite, tous les autres États que la Russie sponsorise font partie de cela. Like Iran, comme l'Iran, Syria, la Syrie, Turkey, many others. La Turquie et beaucoup d'autres. They form an alliance with Russia. Ils forment une alliance avec la Russie. And then they storm. Et ensuite, ils les prennent d'assaut. In the Gog-Magog war. Dans la guerre de Gog et Magog. And it's such a war. Et dans une telle guerre. A terrible war that's fought in the valley of Megiddo. Une terrible guerre qui a lieu dans la vallée d'Armageddon. But then, mais ensuite, the beauty about that war, la beauté à propos de cette guerre, that when all the nations gang up and team up against Israel, c'est quand toutes les nations se liguent et collaborent contre Israël. And then the Lord comes from heaven. Et ensuite, le Seigneur vient des cieux. And he comes with the raptured saints. Et il vient avec les saints qui ont été enlevés. And the heavenly hosts. Et l'armée céleste. And he will strike all the nations down on that day. Et il va frapper toutes les nations en bas ce jour-là. And that war will end in one day. Et cette guerre va se terminer en un jour. That war takes place post-tribulation. Cette guerre a lieu après la tribulation. It is the end of that war. C'est la fin de cette guerre. That gives birth to the millennium, 1,000 years of peace and righteousness. Qui donne naissance au millénium, 1,000 ans de paix et de droiture. Precious people. Précieux peuple. Now you know. Maintenant vous savez. That when you watch your news tonight or tomorrow. Que quand vous regardez vos nouvelles. And you hear that there is going to be war. Et que vous entendez qu'il va y avoir une guerre. That Israel and Iran are going to fight. Que Israël et l'Iran vont commencer à se battre. Now you know it for yourself. Maintenant vous le savez pour vous-même. That war. Que cette guerre. Has a lot to do with the coming of the Messiah. A beaucoup à faire avec la venue du Messie. That war. Cette guerre. Has so much to do with the rapture of the church. A tellement à faire avec l'enlèvement de l'Église. What I've shared tonight. Ce que je partage ce soir. Is not for laughing. Ça n'est pas pour rire. Is not laughable. Ça n'est pas risible. Is not to be taken lightly. Ça n'est pas à prendre à la légère. This. Ceci. touches on the very eternity of people. Touche à la véritable éternité des gens. Nobody can ever smile at this. Personne ne peut rire de ceci. Because today, parce que aujourd'hui, I have been surprised. J'ai été surpris that among the prophecies I've ever given across the earth, que parmi les prophéties qui ont jamais été données à travers la terre, this prophecy of the nuclear war coming to Iran, cette prophétie de la guerre nucléaire venant sur l'Iran, is the one I have brought extensively across the entire face of the earth and severally. C'est celle que j'ai amené largement à travers la terre et sévèrement. And we know it, precious people, et nous le savons, précieux peuple, that it is said, qu'il est dit that end time Bible prophecy, que les prophéties de la fin des temps that touches on the church, touchent l'Église and the coming of the Messiah, et la venue du Messie gravite around the state of Israel. Autour de l'État d'Israël. And today we have seen it here. Et aujourd'hui nous l'avons vu ici. That Israel is sitting at the center of biblical prophecy. Qu'Israël est cité en tant que centre des prophéties bibliques. But I want to say one thing. Mais j'aimerais vous dire une chose. That may the Lord bless you. Que le Seigneur puisse vous bénir. May the Lord open your eyes. Que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux. And help you. Et vous aider. If there is anybody that wants to receive the Lord right now. Si quelqu'un désire recevoir le Seigneur maintenant. Repeat after me. Répétez après moi. Dear Jesus. Cher Jésus. I repent today. Je me repens aujourd'hui. Precious Lord. Précieux Seigneur. And return to you. Et reviens à toi. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. Of all sin. De tous mes péchés. Especially sexual sin. Spécialement les péchés sexuels. Immorality. L'immoralité. Pornography. La pornographie. And lies. Et les mensonges. And witchcraft. Et la sorcellerie. And establish me. Et établis-moi in righteousness dans la justice and keep my name et garde mon nom in the book of life dans le livre de vie of the Lamb of God de l'agneau de Dieu. Mighty Lord, puissant Seigneur, today aujourd'hui I have seen your love, j'ai vu ton amour and known that time is over. Et sais que le temps est passé. And decided now, et j'ai décidé maintenant that I will not backslide, que je ne veux pas retourner en arrière, but I will live a righteous life. Mais je veux vivre une vie droite. I will live to please you, Jesus. Je veux vivre pour te plaire, Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.